Bonjour à tous et à toutes, enchanté, je m'appelle Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de la connaissance, de la réflexion sur notre société actuelle ou encore des petits souvenirs de jeunesse. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer par une petite citation. Lors de son allocution présidentielle, le 14 juin 2020, Emmanuel Macron a dit « Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. » Et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Quelque temps avant l'allocution du président de la République, le 10 mai 2019, l'ancienne ministre Christiane Taubira a dit « D'abord, on n'a pas éradiqué le racisme. On voit bien aujourd'hui encore, y compris dans la société française, qu'il y a des représentations qui nourrissent des rejets, des préjugés, des discriminations. » Par le biais des citations de Christiane Taubira et du président Emmanuel Macron, nous allons voir si le racisme est une fatalité de notre société actuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment prépondérant à ce qui nous entoure? Sous quelle forme est-ce que cela peut se produire, ou alors pourquoi ce qui nous entoure peut nous faire peur. Et le podcast commence maintenant. Il y a quelque temps en arrière, nous avons fait un podcast sur les discriminations sociales. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le racisme. Les deux ne sont pas si éloignés que cela l'un de l'autre, même s'il y a quand même une grosse différence sur la définition et sur le principe. C'est pour cela que, par le biais de ce podcast, sur le thème du racisme, nous allons séparer ce dernier en quatre parties. Dans la première, nous allons voir les différentes sortes de racisme qu'il peut y avoir dans notre société actuelle. Sous quelle forme est-ce qu'elles peuvent se définir? Dans une seconde partie, nous allons voir comment est-ce que cela se traduit en action directement aujourd'hui. Dans une troisième partie, nous allons voir comment est-ce que l'on peut évoluer ou alors essayer de changer les mentalités. Et enfin, dans une quatrième partie, nous allons voir tous les avantages et tous les bienfaits qu'il peut y avoir par rapport à l'ouverture envers les personnes extérieures. Et le programme commence maintenant. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit préambule. La dernière fois, on avait abordé les discriminations sociales, et comme aujourd'hui, on va aborder le racisme, nous allons voir la différence qu'il y a entre les deux. Les discriminations se traduisent plus par rapport à des actes, des gestes, de rejet d'une personne vis-à-vis de son appartenance, sa couleur de peau, sa culture, ses origines ethniques, différentes des nôtres. Pour résumer ce que l'on avait vu sur le dernier podcast, cela peut se traduire concrètement par des actions ou des paroles déplacées envers une personne extérieure. Le racisme, à proprement parler, est quand même quelque chose qui est beaucoup plus insinueux et beaucoup moins concret, même si la finalité peut arriver à ce que l'on arrive à des gestes ou des paroles, concrètement à de la discrimination. Le racisme, à proprement parler, se définit plus comme étant une façon de penser ou une idéologie qui peut amener à catégoriser l'être humain, à le mettre dans différentes cases qui sont différentes des nôtres, cela par rapport à ses origines, sa couleur, sa religion, sa sexualité, ou alors son genre d'une manière globale. Nous pouvons plus donc définir les discriminations comme étant des actes et des gestes concrets, alors que le racisme à proprement parler, c'est plus une philosophie ou une façon de penser. C'est pour cela que lorsque l'on dit à une personne qu'il ou elle est raciste, même si on le vise directement, on touche plus par rapport à sa façon de penser et à sa philosophie de vie, alors que lorsque l'on attaque quelqu'un par rapport à ses gestes ou à ses actions, on met plus en évidence les discriminations qu'elle met en place et qui arrivent sur des gestes qui sont dits racistes. Donc, dans cette première partie, nous allons voir les différentes sortes de racisme qu'il peut y avoir dans notre société actuelle. Cela ne s'arrête pas que sur la couleur de peau et sur les origines des autres personnes. On peut inclure dans le racisme la xénophobie, qui est en fait l'hostilité envers les étrangers et envers les personnes qui ne proviennent pas de notre pays de résidence, l'antisémitisme, qui est en fait le rejet des personnes juives, la grossophobie, qui se définit comme étant la répulsion envers les personnes qui ont un surpoids trop important, la glottophobie, qui serait plus l'antipathie envers des personnes qui parlent une autre langue que la nôtre, la gynéphobie ou alors la gynécophobie, qui s'apparente énormément à du sexisme, qui est plus le rejet ou les peurs par rapport aux femmes, tout en sachant que le sexisme peut dériver vers la diminution de la condition féminine, ainsi que toutes ses dérives, l'handicapophobie, qui se définit comme étant l'abjection envers les personnes handicapées, l'islamophobie, qui est le rejet et le mépris des personnes musulmanes et de l'islam, l'homophobie, qui se définit comme étant l'animosité envers les personnes gays, lesbiennes, bi, trans, tout en sachant que pour cette dernière, cela s'appelle la transphobie, donc soit les personnes aimant d'autres personnes du même sexe, ou alors les personnes qui sont entre les deux sexes, et on peut en définir beaucoup d'autres sur le même principe. Sur chacun des termes utilisés, on peut donc voir qu'il y a le mot « phobie ». Traduction, la peur. Donc cela se traduit comme étant la peur de ce qui est différent de nous, de tout ce qui est inconnu et qui nous éloigne de notre zone de confort. Et c'est justement sur le principe, cette phobie ou cette peur, qui peut nous amener à nous renfermer sur nous-mêmes, qui peut nous empêcher de nous ouvrir vers les autres, et qui justement, de fil en aiguille, peut nous amener à avoir certains discours, ou alors certaines façons de penser, négatives par rapport à toutes les personnes qui nous entourent. Mais tout en sachant que chacun des préjugés que l'on peut avoir par rapport aux personnes qui nous entourent, ont toujours des origines, une provenance par rapport à nous, par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on a vécu, et par rapport aux circonstances de la vie, qui peut faire que, à partir de maintenant, certaines personnes ont la faculté, plus ou moins bonne, d'avoir des préjugés par rapport aux personnes qui les entourent. Cela peut amener à de la discrimination et à des discours ouvertement racistes, même si dans d'autres cas, cela peut être plus ou moins insidieux. Les origines des personnes qui ont une mentalité un petit peu raciste ou qui ont du mal avec les personnes étrangères existent depuis tous les temps. Il y a toujours certaines mentalités qui ont du mal à évoluer même au fur et à mesure des années qui avancent. Nous allons prendre comme exemple un document de l'INA. En 1961, un micro-trottoir en France posait la question suivante. Si un étudiant chinois venait vous demander une chambre à louer, à supposer que vous en ayez une, est-ce que ça vous gênerait de la lui louer? Si votre fille venait vous voir en vous disant qu'elle veut épouser un noir, ça vous paraîtrait gênant? Les discours qui vont suivre sont véridiques. Datés de 1961, la langue de bois de l'époque était beaucoup moins importante que notre époque actuelle. Et les discours finaux et les réponses qui furent données étaient 100% naturels pour les personnes qui les citèrent. Voilà quelques exemples. Réellement, ça ne me plairait pas du tout. Maintenant, si c'était son désir, je laisserais faire. Vous discuteriez un peu avec elle? Oui, certainement. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que ce n'est pas sa place, premièrement. Je n'aime pas ça pour moi personnellement, et je pense que pour elle, ça n'irait pas, ça pourrait la gêner dans son avenir. Non, je ne l'aurais pas envisagé, parce que je crois qu'il ne faut pas mêler les races. Pourquoi? Parce que je crois que ce sont formés au monde des individus qui sont détestés des Noirs et détestés des Blancs. Je crois que le métis n'est pas une chose à souhaiter. Ces extraits de micro-trottoirs vont nous permettre de pouvoir trouver une amorce par rapport aux origines du racisme. Ce que vous avez pu entendre, je pense que, de nos jours, c'est totalement inaudible, insupportable, ou alors méprisant par rapport à toutes les personnes qui peuvent nous entourer. On regarde bien tout autour de nous, aussi bien dans notre vie privée que notre vie professionnelle, on a la possibilité de voir plusieurs types de personnes comportant différentes caractéristiques, différentes couleurs de peau, différentes sexualités, différentes philosophies de vie, différents genres d'une manière globale. Et je parle bien d'aujourd'hui, en ce moment, en 2020. Pourtant, même si on a la possibilité d'avoir autour de nous tout un cercle multiethnique, il existe quand même certains points originels qui peuvent faire que notre perception par rapport aux personnes qui nous entourent peut nous amener, directement ou indirectement, à des pensées ou à des actes ou à des paroles racistes. Comme premier exemple, il peut y avoir l'éducation dans le respect par rapport à certaines valeurs que l'on nous a inculquées. Nous avons pu voir dans le magnéto précédent qu'il y a certaines personnes qui ont des valeurs d'enfermement et qui veulent mettre les étrangers dans des cases par rapport à leur couleur de peau ou par rapport à leurs origines. Ces personnes-là, par rapport à nous, peuvent être nos parents ou nos grands-parents. Si on part du principe que ces valeurs familiales sont inculquées de génération en génération, on peut très bien arriver quant au fait que 40 ans après, les mêmes valeurs et les mêmes philosophies de vie, même si la société avance, puissent continuer, non pas au sein de la société, mais au sein de notre propre famille. L'autre point qui peut amener à des visions divergentes des personnes qui nous entourent peut être par rapport à leur religion. Christianisme, catholicisme, bouddhisme, islamisme. Chacune de ces religions a des interprétations différentes par rapport à la personne dont ils croient, avec des pratiques de croyances différentes les unes des autres. Et pourtant, ces différents types de religions croient tous quant au fait qu'il y ait une seule et même entité qui nous gouverne, ou qui est supérieure à ce que nous sommes. Même si l'esprit ou l'entité auquel certaines personnes croient, pourtant chacune a des visions différentes. Tout en sachant que les personnes qui pratiquent pensent ou estiment que leur façon de penser est la meilleure, la plus saine par rapport à ce qu'ils sont et par rapport à leur philosophie de vie, cela peut amener à des conflits ou à des guerres de religion pour essayer de mettre en exergue ou mettre en expansion les croyances que certaines personnes peuvent avoir, que cela puisse s'expanser au niveau national. Un autre point quant au fait que le racisme peut avoir une importance par rapport à notre philosophie ou alors notre façon de penser, c'est la solitude. Les personnes qui sont seules et un petit peu introverties ont la fâcheuse tendance à se recroqueviller sur eux ou sur elles-mêmes. À défaut de pouvoir sortir, rencontrer des gens, la plupart de ces personnes ont la plus ou moins mauvaise habitude de rester chez eux, enfermés, confinés à regarder la télévision. Le seul problème, c'est que de nos jours, la réalité du terrain fait que lorsque l'on regarde les chaînes info, les documentaires, plusieurs types de reportages, les médias télévisuels actuels ont la fâcheuse tendance à nous démontrer ou à nous mettre en exergue non pas le véritable reflet de la société, mais ce qui peut faire de l'audience, et vraiment ce qui peut fonctionner, malheureusement. On peut prendre certains exemples. Sur le thème de l'homosexualité, par exemple, la plupart du temps, lorsque l'on regarde dans des reportages ou autres des personnes homosexuelles, c'est toujours des personnes qui sont très efféminées. Si ce sont des hommes, bien sûr, alors que si ce sont des femmes, ce sont des femmes qui sont très très très très masculines. Ce qui donne déjà, dans un premier temps, une image un petit peu biaisée des personnes homosexuelles dans la société hors écran. En parallèle de cela, lorsque l'on voit des arrestations policières ou des cambriolages, ou encore des personnes qui habitent dans des cités, ou tout simplement d'une manière globale, des gestes ou des agressions en marge de la société, les médias mettent très souvent en avant des personnes noires ou étrangères. Les chaînes info, 24 heures sur 24, ont encore plus la faculté de pouvoir mettre cela en avant. J'aimerais tellement vous dire que j'exagère un petit peu, que j'extrapole, mais simplement essayer de prendre du recul et de regarder les médias d'une manière globale. Les médias télévisuels, bien sûr. Je pense qu'il faut se spécialiser sur cela, car même si certaines stations de radio peuvent être un petit peu parti pris, le fait de la télévision nous rapporte une information qui est quand même un petit peu plus biaisée du fait d'avoir les images franches et directes. Je pense qu'il faut essayer de voir les médias d'une manière globale au niveau de la télévision, de voir le traitement de l'information à proprement parler et de voir les images qui en sont ressorties. Une personne introvertie qui passe son temps à regarder la télévision, à force de se couper du monde extérieur, bien sûr, peut finir par prendre ce qu'il ou elle voit pour argent comptant. Et à ce moment-là, cela peut devenir dangereux par rapport à notre perception des personnes externes. Le racisme ou la discrimination peut aussi venir par rapport aux rumeurs, par rapport à tous les on-dit. Un court-métrage qui s'appelle « L'odeur des noirs et des blancs » nous met en avant ce phénomène de rumeurs. Pourquoi les hommes et les femmes noires au foyer, ils sentent mauvais ? Vas-y, sens-moi. Pourquoi moi je pue comme vous là ? Vous sentez l'oignon et le fromage qui pue. Par cet extrait plus ou moins fun, même si cela n'est que de la fiction, elle reflète quand même une réalité de la société, ou alors des on-dit de la société actuelle. Après, ce qui peut être rassurant, c'est que aussi bien les personnes noires que blanches ont assez de répartis les uns les autres pour pouvoir se retourner la question. Bon, c'est vrai qu'il faut pas faire une généralité, mais quand même. Et pourtant, il y a une chose qui est vraie, c'est que toutes les personnes d'origine différente ont toutes des stéréotypes ou alors une image qui leur est vraiment collée à la peau, et ça, franchement, ça fout les boules. L'argent chez les juifs, l'odeur des noirs, les homos totalement efféminés, les femmes soumises, les blancs racistes, et tous les types de on-dit qui sont totalement faux, mais qui peuvent permettre de coller une image à des entités, à des ethnies, à des groupes de personnes qui ne cherchent qu'un seul truc, essayer de se mélanger et de s'intégrer, sans discrimination, sans arrière-pensée, simplement se mettre à niveau et être respecté dans notre société actuelle. Mais c'est vrai que les on-dit et les rumeurs, c'est quand même quelque chose qui est vraiment troublant. Comme si c'était important et primordial de pouvoir coller une image à certaines personnes qui leur sont différents, aussi bien du point de vue ethnique, culturel, sociétal, sexuel ou alors simplement identitaire. Un des mouvements les plus importants qu'il faut aborder pour essayer de comprendre le racisme, c'est l'intégration des sectes ou des milieux enfermés qui ont une application et une influence finale par rapport aux personnes de couleur de peau différentes. Un des mouvements les plus importants aux États-Unis s'appelle le Ku Klux Klan. C'est en fait un espèce de mouvement ou une secte, ça dépend de quelle vision on voit la chose, qui au début du siècle voulait éradiquer toutes les personnes noires aux États-Unis. Même si de nos jours, en 2020, ce mouvement est quand même largement diminué, voire arrêté, il existe quand même toujours des minorités aux États-Unis qui existent toujours dans certains États. La plupart des personnes qui ont intégré ce mouvement à l'origine étaient soit des personnes perdues, ou alors qui ont eu une éducation prioritaire, dans le sens où il était dit à cette époque-là que les personnes blanches étaient supérieures aux personnes noires. Et l'un des credos de ce mouvement était qu'il fallait éradiquer toutes les personnes noires, donc les tuer, car pour ces personnes-là, les personnes noires étaient une catégorie de personnes inférieures à cette époque-là, et qu'en plus, ces derniers pouvaient voler ou prendre le travail et les emplois des personnes blanches. La plupart des personnes qui intégraient ces mouvements-là étaient quand même des personnes qui n'avaient plus de repères familiaux, amicaux, et avaient besoin de se trouver des repères par rapport à des convictions qui leur étaient profondes et qui malheureusement devaient influencer par rapport aux personnes qui les entouraient. Malheureusement aussi, l'une des raisons qui faisait que le racisme était leur credo était vraiment la peur de l'étranger, la peur de la perte de l'emploi, les racines traditionnelles qui étaient cassées et l'ordre de la suprématie. Mais à quel prix ? Il peut aussi y avoir le racisme et le rejet, non pas par rapport à la couleur de peau, mais au niveau de la sexualité. Nous allons écouter le court témoignage d'Henrik, un homosexuel qui en a parlé à ses parents. Cela est extrait d'une émission qui s'appelle « Je t'aime, etc. ». Un jour, un repas de famille, je me suis dit que c'était le moment de le dire parce que j'avais besoin de faire ma vie comme elle était et pas comme les gens avaient envie qu'elle soit. Quand je l'ai annoncé, ça a été un grand silence. Mon père s'est levé, il m'a craché dessus, il m'a insulté, il m'a mis des baffes. Mes frères étaient à côté, étaient aussi choqués. Enfin, ils ne sont pas été forcément violents, mais ils ont été violents dans leurs paroles. Ma mère, elle était là, elle regardait, enfin, impuissante, elle ne pouvait rien faire. Sur le moment, je me suis senti seul. J'ai eu du soutien de personne à ce moment-là, quoi. Mon père et mes frères m'ont demandé de partir, de quitter la maison. Et du coup, je suis parti à l'aventure, comme ça, avec mon sac à dos. Par le biais de ce court témoignage, le racisme et le rejet par rapport à la sexualité ou par rapport à l'orientation sexuelle est aussi mis en place ou mis en exergue par rapport à ce qui est dit contre nature, normal ou pas normal, ce qui est soi-disant considéré comme étant une maladie ou un problème mental, et aussi par rapport aux valeurs de la famille. Dans beaucoup de familles, il faut donner une image propre, claire et nette, ne pas avoir de failles. Et ça veut dire concrètement mettre à part tout ce qui n'est pas dit, entre guillemets, normal. Un autre point qui peut amener au racisme, c'est lorsque un homme ou une femme a vécu une agression, quelle que soit la forme. Agression sexuelle, agression physique, il suffit que la personne qui est agressée soit d'une couleur de peau différente, ou alors ayant des origines différentes de la nôtre, on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans le même panier. Psychologiquement, ou alors humainement, on a tendance à se dire que si une certaine personne ayant ces caractéristiques a pu nous faire ça, toutes les autres personnes qui ont les mêmes caractéristiques que lui ou qu'elle sont tous pareilles et intérieurement et logiquement, on a peut-être tendance à se dire « ça y est, je suis un risque » ou alors « je peux être une cible à nouveau ». Donc maintenant, après avoir vu les raisons pour lesquelles on peut avoir des pensées racistes ou alors du rejet par rapport aux personnes extérieures, nous allons connaître et voir un petit peu l'histoire du racisme à travers le monde. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous faire une petite pause musicale. Oh. Et voilà, nous venons d'écouter le groupe Southern Four qui a chanté Swing Low, Sweet Charlotte. Par rapport à l'histoire des États-Unis, il faut savoir que cette chanson, ou plutôt ce type de chanson, c'est ce que l'on appelle des chants négro-spirituels. C'est une chanson qui était composée en 1860 par Wallis Willis. À cette époque-là, les personnes noires afro-américaines étaient utilisées comme esclaves pour les familles riches aux États-Unis. Cela se passait dans le sud des États-Unis, pour être précis, principalement. À cette époque-là, aux États-Unis, le racisme était vraiment mis en exergue et était vraiment important par rapport à la société de cette époque. Les personnes noires, afro-américaines, étaient utilisées principalement pour pouvoir s'occuper des animaux, servir les familles riches, blanches, cultiver les champs de blé, cultiver les champs de coton. Ils étaient utilisés principalement pour tout ce qui est travaux manuels. Tout en sachant qu'à cette époque-là, à partir du moment où des personnes noires faisaient mal leur boulot, ils étaient fouettés, maltraités comme c'est pas possible, battus, humiliés en public ou encore pendus. C'est le 2 juillet 1964 que le président Lyndon B. Johnson a signé la loi par rapport à la fin de l'apartheid aux États-Unis. L'apartheid, c'est ce que l'on appelle la séparation de l'homme en fonction de sa couleur de peau, de ses origines ethniques, ou alors de la pratique que l'on a envers lui ou elle, ce qui lui confère une énorme avancée par rapport aux droits civiques américains de l'époque. Et à ce moment-là, même si cela fut un tournant dans l'histoire des États-Unis, il lui fallut quand même du temps, plusieurs années, à peu près une dizaine d'années, pour que la ségrégation raciale puisse être totalement abolie. Même si aujourd'hui, de nos jours, dans notre société actuelle, aux États-Unis, il y a toujours un petit peu de méfiance et de rejet par rapport aux personnes noires et étrangères. Cela est quand même sur un niveau beaucoup moins important qu'à l'époque. Le CNRTL, Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, nous démontre que les pratiques dites racistes avaient des actions les plus importantes à partir de 1892. Mais le mot racisme à proprement parler a été défini comme tel à partir de 1902. Cela principalement aux États-Unis. Mais c'est à partir de 1930 que les actes racistes à proprement parler étaient les plus forts en France. Il faut que l'on comprenne un truc. c'est que le racisme à proprement parler a plus ou moins toujours existé au travers des siècles. Même si, à l'époque passée, il n'y avait pas du racisme à proprement parler, mais c'était plus de l'esclavagisme. Déjà dans le passé, au 4e siècle avant notre ère, en Égypte, les familles riches, ou qui avaient le pouvoir, pouvaient utiliser des personnes de rang inférieur pour faire les travaux manuels, pour cultiver les champs, pour construire les pyramides ou les monuments en mémoire des empereurs égyptiens. Cela pouvait être soit des personnes de catégorie sociale totalement inférieure, qui avaient très peu de moyens, ou alors des voleurs, des violeurs, des agresseurs. Les hommes étaient plus servis pour les travaux manuels, et les femmes étaient servies pour s'occuper des maisons des familles riches, ou alors même pour porter des enfants, même si cette dernière pratique était quand même beaucoup plus cachée à l'époque. Cette pratique que l'on vient de décrire au niveau de l'Égypte, au 4e siècle avant notre ère, n'était pas spécialisée que au niveau de ce pays-là. On pouvait aussi trouver ce genre de pratique au niveau de l'Empire romain, où l'on pouvait utiliser le même type de personnes, ou alors les personnes qui avaient les mêmes origines, afin de construire des palais pour César, ou alors Cléopâtre. Cela pouvait toucher aussi bien l'Empire romain, égyptien, que l'Antiquité au niveau de la mythologie grecque. Avant les années 1950, les personnes noires afro-américaines et les américano-indiens étaient réellement très peu reconnus au niveau social. Leur statut était réellement relégué au niveau minoritaire quant au droit de vote, quant à la reconnaissance sociale ou encore par rapport à leur capacité intellectuelle, où l'on avait plus la faculté de les rapprocher au niveau animal qu'au niveau humain. On parle beaucoup des États-Unis dans ce podcast, mais il faut savoir que c'est dans ce pays qu'il y a eu la plus grande vague de ségrégation raciale. Après les années 50, de grandes figures américaines ont été là pour la défense des droits humains et par rapport aux Afro-Américains. On peut citer Rosa Parks, une femme noire qui, le 1er décembre 1955, refusa de laisser sa place à un homme blanc dans un bus. Martin Luther King, avec son fameux discours « I have a dream », qui espérait une vie meilleure pour les Noirs Afro-Américains et voulut leur donner le droit de vote, arrêter la ségrégation raciale et donner des emplois aux minorités. Malcolm X, qui était un prêcheur orateur militant pour les droits de l'homme et pour le droit de vote des Afro-Américains, et qui créa par la suite le Black Power, le pouvoir aux personnes noires, afin que ces derniers soient reconnus socialement et puissent avoir une importance sociale et ethnique par rapport aux personnes blanches. Ou encore Dorothy Haight, qui lutta pour les droits civiques et la reconnaissance des femmes dans la société américaine, et le fait de pouvoir reconnaître qu'être une femme et être noire pouvait donner autant de droits que les hommes, aussi bien au niveau des études universitaires que dans la vie sociale. Un autre type de racisme qui peut exister dans notre société actuelle, c'est ce que l'on appelle l'homophobie, la lesbophobie ou encore la transphobie. Cela se caractérise par étant le rejet ou l'agression physique ou encore l'agression verbale vis-à-vis de certaines personnes qui sont attirées par les personnes du même sexe, dans le cadre des personnes homosexuelles ou alors lesbiennes. Il y a aussi le rejet des personnes transsexuelles, ce sont les personnes qui sont nées dans un corps, masculin ou féminin, sauf que pour diverses raisons, elles n'acceptent pas le corps dans lequel ils ou elles sont nées et décident ou mettent en place toutes les démarches pour pouvoir changer de sexe. Par rapport à l'histoire du monde, il faut comprendre que l'homosexualité a toujours existé à travers les âges et à travers le temps. Seulement, à certaines périodes dans le monde, elle était plus ou moins acceptée. Il faut savoir qu'en se basant par exemple sur la Grèce antique, l'homosexualité n'existait pas. Ou plutôt, elle existait, mais simplement à cette époque-là, contrairement à maintenant, on ne mettait pas des gens dans des cases. On n'arrivait pas réellement à définir l'homosexualité et l'hétérosexualité, sachant que la plupart des personnes pouvaient avoir des relations aussi bien avec des hommes ou des femmes qu'avec des personnes du même sexe qu'eux. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les relations entre personnes du même sexe étaient assez courantes, au même titre que la sexualité entre deux personnes de sexe différent. Tout en sachant qu'à cette période-là, la petite particularité, c'était que la relation maître-élève pouvait être acceptée, alors qu'à côté de cela, la relation entre deux personnes adultes du même sexe pouvait être réprimandée ou condamnée. Cela se déroulait durant la Grèce antique. Alors que durant la Rome antique, dans la Rome antique, les relations entre deux personnes du même sexe étaient considérées différemment. Cela veut dire que les relations entre deux personnes du même sexe masculine était un gage de virilité. C'est à ce moment-là qu'est arrivé le terme de « actif et passif ». Ça veut dire qu'à cette époque-là, le côté passif était le côté soumis et se définissait comme étant un gage de faiblesse. Alors qu'à côté de cela, le côté actif était un gage de virilité et de force. Le sénateur romain Sénèque avait dit « La passivité sexuelle est un crime pour l'homme libre, une obligation pour l'esclave, un service pour l'affranchi. » Traduction, ce type de relation était accepté, mais pouvait être quand même très mal vu par rapport à la société de la Rome antique. À côté de cela, à cette même époque-là, les relations lesbiennes étaient quand même très mal vues, car on considérait cela comme de la provocation par rapport à la virilité masculine. C'est pour cela que les femmes, à cette époque-là, étaient quand même reléguées au rang d'être inférieures ou alors soumises par rapport à la condition de la famille. Elles étaient là principalement pour s'occuper des enfants et tenir le foyer. À partir du Moyen-Âge et de la Renaissance, les relations entre deux personnes du même sexe étaient très mal vues, pour la simple et bonne raison qu'à cette époque-là, les religions, le christianisme et le judaïsme étaient maîtres par rapport aux sociétés de cette époque-là. Il fallait suivre les chemins dictés par les religieux et ne pas changer de route sous peine de mort. C'est à partir de 1869 que l'on a commencé à mettre des gens dans des cases, que le terme homosexualité est arrivé. À côté de cela, le terme hétérosexualité a été créé en 1923. Lors de la guerre 39-45, Hitler, fervent croyant, décida de condamner tous les hommes homosexuels et toutes les femmes lesbiennes, et décida de les déporter en les faisant porter un triangle rose sur les vêtements. Par rapport à cela, je vous conseille de lire le livre « Les hommes au triangle rose » de Hans Egger, qui raconte l'histoire de la déportation homosexuelle durant la guerre 39-45. À la sortie de la guerre 39-45, les homosexuels qui restaient ne furent plus condamnés à mort mais devaient se cacher pour ne pas subir d'agression, comme ils étaient toujours considérés comme étant contre nature. En France, à partir de 1980, l'homosexualité est dépénalisée et elle n'est plus considérée comme étant une maladie mentale à partir de 1990. La libération de la parole et du mouvement homosexuel commença à venir aux États-Unis dans les années 70. Le livre « Une histoire populaire des États-Unis » de Howard Zinn nous démontre que, page 693, « Tandis que se produisait un changement radical dans la façon de penser la sexualité et la liberté sexuelle, les droits des gays et des lesbiennes américains occupèrent le devant de la scène. Le mouvement gay devint particulièrement visible, avec parades, défilés, manifestations et campagne pour l'abolition des politiques discriminatoires à l'encontre des homosexuels. » Un petit peu plus loin, il dit « En 1994, un défilé commémorant le 25e anniversaire de l'affaire Stonewall fut organisé à Manhattan. La communauté homosexuelle considérait cet événement comme un moment clé de son histoire. » Et cela devint, beaucoup plus tard, la fameuse Gay Pride. Aux États-Unis, en 1970, l'une des personnes qui marqua un tournant par rapport à la fierté homosexuelle et la reconnaissance du statut homosexuel fut Harvey Milk, un militant homosexuel qui créa et qui mit en avant les premiers centres gays et lesbiens aux États-Unis, et cela put se produire dans d'autres pays dans le monde. Pourtant, de nos jours, même si notre société a quand même évolué et que l'on accepte le mariage entre personnes du même sexe, même si les mentalités ont quand même un petit peu évolué, il y a quand même certaines franges de la population qui ont du mal à accepter cela et qui vont jusqu'à agresser ou faire subir des actes physiques à des personnes simplement par rapport à leur attirance sexuelle et par rapport aux personnes qu'ils ou elles aiment. Même si la société évolue et que les populations peuvent évoluer, il reste quand même toujours une petite minorité qui a du mal à simplement accepter le respect des personnes autres. Et maintenant, nous allons aborder le thème du sexisme. Même si aujourd'hui, en 2020, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, ce ne fut pas toujours le cas. Tout au long de l'histoire, il y a eu un énorme rejet et un énorme racisme de la condition féminine vis-à-vis de la condition masculine. Même si aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de racisme à proprement parler par rapport aux femmes, il existe toujours certaines discriminations qu'elles peuvent endurer. Comme on l'a vu précédemment, les discriminations sont plus sur les actes physiques, alors que le racisme à proprement parler, c'est plus sur une façon de penser et sur une idéologie. Pendant l'histoire du monde, la place de la femme a toujours été celle d'une personne, ou plutôt d'une entité qui était toujours soumise par rapport à l'homme. Ce n'est vraiment qu'à partir de 1792, lors de la Révolution française, que la place de la femme dans la société commença à être un tout petit peu émergente. Pas énormément, mais un tout petit peu. Auparavant, au temps du Moyen-Âge, ou encore dans l'Antiquité, la place de la femme était vraiment diminuée quant au fait de tenir le foyer ou encore élever les enfants, aussi bien dans les familles monarchistes que dans les familles très pauvres. La femme à cette époque-là n'avait quasiment aucun droit alors que l'homme avait la possibilité, avec son statut de maître de foyer, il avait le droit et la possibilité de pouvoir forniquer ailleurs, aller voir ailleurs, s'amuser avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes sans que sa femme légitime puisse dire quoi que ce soit. En l'absence de son mari, un des rôles importants de la femme dans le foyer au niveau de la Grèce antique était que si jamais son mari partait en croisade ou alors partait à la guerre, elle devait toujours tout faire pour maintenir le foyer. Tenir un semblant d'ordre et de morale, aussi bien par rapport à la famille que par rapport aux institutions ou alors par rapport aux gouvernances de l'époque. Et si jamais le mari ne revenait pas au foyer, elle était obligée de se trouver un second mari pour pouvoir prendre la place. Nous pouvons prendre comme exemple l'Iliade et l'Odyssée quant au fait que lorsque Ulysse partait en croisade au niveau de Troie et au moment où il traversait toutes les épreuves, sa femme, Pénélope, attendait éperdument le retour de son mari à Ithaque tout en essayant de garder un semblant d'éducation avec son fils Télémaque. Cependant, comme le rôle de la femme à l'époque était quand même largement diminué, il y avait énormément de prétendants comme Eurymaque, Mélanthios, Phémios, Médon, qui furent les prétendants de Pénélope afin qu'elle puisse se marier avec l'un d'eux pour pouvoir prendre la place d'Ulysse à Ithaque. Mais bien sûr, nous connaissons la suite, Ulysse revient, il tue tous les prétendants après les avoir défiés et que ces derniers avaient perdu un pari quant au fait qu'ils n'arrivaient pas à bander l'arc d'Ulysse. On peut trouver cependant dans l'Antiquité des épiphénomènes de femmes de pouvoir comme Cléopâtre, qui dirigea et commanda l'Égypte, même lorsqu'elle fut mariée à César, Théodora, qui malgré un passé un petit peu scabreux, où l'on lui prête même de la prostitution, finit par régner sur Chypre avec son mari Justinien, ou encore Boadicée, reine de Norfolk, petite région au sud de l'Angleterre actuelle, qui pour défendre son peuple essaya de faire tomber des empereurs romains, dont César. À partir du XIIIe siècle, dans les familles les plus pauvres, les femmes étaient toujours cantonnées au rôle de femmes au foyer. Cependant, dans les familles les plus riches, les femmes, les impératrices, avaient la faculté, du fait de leur beauté, de pouvoir être considérées comme un objet de désir et de par leur beauté, pouvaient devenir soit très sexualisées, cela pouvait se traduire par de la prostitution ou alors du désir et de la tentation pour les hommes, alors que d'autres femmes, du fait des traits et de leur beauté magnifique, pouvaient devenir des chefs-d'œuvre. C'est comme cela que l'on a pu retrouver des portraits de Mona Lisa, Éléanor d'Autriche, Catherine de Médicis, ou encore Éléonore de Tolède. Suite à la révolution de 1789, en 1792, le rôle des femmes devint beaucoup plus important. Aux côtés des hommes et des soldats, ce furent elles qui manifestèrent pour réclamer du pain, de l'eau et de la nourriture auprès de Louis XVI. Sans le rôle des femmes lors de la Révolution, cette dernière n'aurait peut-être pas pu avoir lieu normalement. Et le peuple n'aurait peut-être pas eu le même recul pour pouvoir se soulever s'il n'y avait eu que les hommes et les soldats. C'est surtout suite à la Révolution française qu'elles réclamèrent le pouvoir d'être indépendantes et le pouvoir d'être libres par rapport aux hommes et par rapport à la société. Et cela fonctionna. Lors du siècle des Lumières, vers le XVIIe et le XVIIIe siècle, le rôle des femmes devint beaucoup plus important, du fait de leur indépendance acquise auparavant. C'est pour cela que l'on pouvait trouver des femmes qui rentrèrent dans le milieu des études ou encore de la science. On peut citer Marie Curie, qui avec son mari Pierre Curie découvrirent le vaccin contre la rage, Laura Bassi, qui devint doctorante à l'université de Boulogne pour y finir professeur, la princesse Catherine d'Ajkov, qui devint directrice de l'Académie impériale de Russie à la fin du XVIIIe siècle, ou alors Olympe de Gouges à la fin du XVIIIe siècle, qui devint l'une des premières femmes politiques et pionnière des mouvements féministes français. L'une des plus grandes révolutions par rapport à la condition féminine fut le 21 avril 1944, quant au fait que le droit de vote fut accordé aux femmes. À partir de ce moment-là, les femmes prirent vraiment leur indépendance au niveau de la société française ou encore pareil dans les pays anglo-saxons. À partir de 1975, les femmes eurent le droit au divorce. Et à ce moment-là, elles furent vraiment l'égale de l'homme. Pourtant, même si 40 ans après, la condition de la femme a quand même beaucoup plus évolué, contrairement à la Renaissance et contrairement au Moyen-Âge, dans les mentalités mondiales, elle est quand même diminuée ou alors amoindrie, vu qu'elle est toujours considérée comme étant inférieure à l'homme, même si civiquement et si physiquement, elle a quand même autant de droits. Nous pouvons prendre comme exemple le fait qu'elle soit toujours reléguée comme un matériau de désir et de pulsion sexuelle par rapport à l'homme. Bon, bien sûr, on ne va pas dire que tous les hommes sont juste des phallus sur pattes, faut pas charrier, mais certaines personnes qui peuvent avoir des mentalités un petit peu arriérées peuvent toujours considérer que la femme est juste là pour faire des enfants et s'occuper du foyer. Nous pouvons prendre comme exemple le mouvement MeToo, créé et mis en avant à partir de 2017, qui mit en exergue tout ce que les femmes ont pu subir de la part des hommes pendant plusieurs années en arrière. Que ce soit physiquement que psychologiquement. Maintenant, je pense qu'il faut prendre du recul, il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Et le racisme, ou alors la discrimination envers les femmes, joue aussi par rapport à cela. Cela joue aussi par rapport au rôle qu'on leur donne dans la société actuelle, quelle vision les hommes peuvent avoir des femmes, et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains hommes ont toujours besoin de rabaisser la condition féminine alors qu'il s'est écoulé plusieurs siècles entre le Moyen-Âge et maintenant. Avant d'entamer la dernière partie où nous allons essayer de voir comment éviter le racisme ou la discrimination envers les autres, nous allons nous faire une petite pause musicale. Et voilà, après un bon petit morceau de musique qui bouge bien, nous venons d'écouter Frank's Last Chase de DJ Williams. Et voilà, nous allons donc aborder le dernier thème de ce podcast où nous allons voir qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer d'avancer et avoir un petit peu moins d'idées négatives par rapport aux autres, ne plus vraiment avoir de racisme, essayer de s'ouvrir un petit peu plus aux personnes qui nous entourent, essayer de mettre à part en fait toutes les idées préconçues que l'on peut avoir par rapport aux personnes extérieures, tout en sachant qu'il y aura toujours certaines personnes qui auront des idées bien ancrées par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur passé, et même si on essaye de les faire avancer, que l'on essaye de leur démontrer que l'autre, l'étranger, a tout autant de droits que soi-même, malgré cela, ils auront toujours du mal à avancer ou à avoir un regard objectif sur les personnes qui nous entourent dans la société actuelle. Déjà, dans un premier temps, nous allons voir tout ce qui est en notre possession, tout ce que l'on peut avoir vis-à-vis de la loi, et de tout ce qui peut nous entourer, associations et autres. Si jamais on a un cas avéré de racisme, de discrimination, ou alors que l'on a besoin de parler, il existe certains numéros de téléphone. Je vais vous en donner certains. Le premier, c'est le 01 40 35 36 55, qui est le numéro de SOS Racisme à Paris, tout en sachant qu'il existe des antennes un petit peu partout en France. SOS Racisme est une association de 1984 qui a été fondée par Harlem Désir et Julien Drey, et le président est Dominique Sopo. Le but de cette association est de lutter contre tous les actes racistes, contre tous les rejets qu'il peut y avoir aux personnes noires et étrangères, et le slogan est « Touche pas à mon pote ». Cette association peut servir de cellule d'écoute ou encore de relais judiciaire, ou tout simplement elle propose des petites réunions, des meetings ou encore de la prévention par rapport au rejet des personnes ayant une couleur de peau différente ou alors ayant une religion différente ou tout simplement ayant subi des agressions physiques ou verbales par rapport à des personnes extérieures. Cette première association est destinée plus pour les personnes étrangères ou alors pour les personnes ayant une couleur de peau différente. Sur un autre niveau, les personnes qui en ont besoin peuvent contacter SOS Racisme. Ils peuvent être appelés sur une ligne d'écoute sur Paris au 01 48 06 42 41, tout en sachant que sur le même principe que pour SOS Racisme, il y a plusieurs antennes de SOS Homophobie un petit peu partout en France, dans quasiment toutes les grandes villes. L'association peut agir un petit peu au même niveau que SOS Racisme, mais c'est simplement qu'elle intervient plus par rapport à du rejet, de la discrimination ou des agressions physiques par rapport à la sexualité des personnes qui sont gays, lesbiennes, bi, transsexuelles. Dans chacune des grandes villes, les associations LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, peuvent servir de cellules d'écoute. Ils organisent quelquefois des apéros conviviaux dans un but de partage et d'échange. Ils organisent et préparent les Gay Pride annuels, où ils peuvent aussi servir de cellules d'écoute pour les personnes qui veulent rester anonymes et qui ont besoin de lâcher tout ce qu'ils ont à dire par rapport à tout ce qu'ils ont connu, par rapport au rejet ou aux agressions. Par rapport à la défense des droits de la femme, il existe un numéro. C'est le 3919. C'est le numéro de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, le FNSF. C'est en fait une association qui peut mettre en relation avec toutes les associations qu'il y a en France qui sont par rapport à la défense des droits de la femme, les cellules d'écoute et de faire reconnaître la condition féminine dans notre société actuelle par rapport à des femmes qui ont subi des violences, qui n'ont pas été respectées dans leur chair ou qui n'ont pas été respectées socialement. Il y a un point personnel que j'ai envie d'aborder aussi. L'association FNSF peut servir de cellule d'écoute par rapport aux femmes qui ont subi des violences. Mais on ne parle pas beaucoup des hommes qui ont vécu des violences aussi, même si ce n'est pas du racisme à proprement parler, j'ai envie de donner un numéro de téléphone qui peut correspondre aussi par rapport à ce type de violence, mais qui est beaucoup moins connu. Il existe l'association SOS Hommes Battus, que l'on peut contacter au 09 51 73 44 94 et qui, sur le même principe de la condition féminine, est quand même spécialisée pour les hommes qui se font battre par leurs femmes ou qui ont subi des violences de la part d'autres femmes, tout en sachant que malheureusement, dans notre société actuelle, en 2020, ce n'est toujours pas vraiment reconnu. On peut en entendre parler quelquefois par des petits épiphénomènes, mais ce n'est vraiment pas du tout la majorité, malheureusement. Je pense que ce serait important de pouvoir mettre cette association-là en exergue. Si on recherche sur Internet, on peut trouver plusieurs associations par rapport à la défense des personnes en surpoids. J'avais entendu parler, il y a quelques années en arrière, d'une association qui s'appelle Allegro Fortissimo, dont le siège est à Paris et le numéro est le 01 45 53 98 36. Comme les autres associations précédentes, elle peut organiser des repas et des moments conviviaux entre personnes de surpoids pour essayer de se lâcher, pour pouvoir parler un petit peu, comme la plupart des personnes qui sont un petit peu obèses n'ont pas obligatoirement la faculté de pouvoir se défendre toutes seules au sein de la société. Certaines le peuvent, mais ce n'est pas toujours évident. Car c'est vrai que malheureusement, la plupart des personnes dans notre société actuelle aiment à s'attabler sur des petits détails par rapport aux personnes extérieures et les descendre par rapport à des choses insignifiantes. Après avoir vu en quoi la société et certaines associations peuvent nous aider, nous allons voir quels sont les moyens que nous-mêmes on peut avoir dans notre entourage pour essayer de diminuer toutes nos arrière-pensées et toutes les discriminations ou alors les pensées racistes ou de rejet que l'on peut avoir. Déjà, dans un premier temps, il faut se dire que tout ce que l'on peut reprocher aux personnes extérieures, nous-mêmes, on n'est pas du tout parfait. Et sur le principe, ce que l'on peut reprocher aux autres, nous-mêmes, on peut nous reprocher plein de choses. On peut toujours être trop petit, trop gros, trop foncé, trop clair, quels que soient les aspects physiques que l'on peut avoir. Tout simplement, pourquoi reprocher aux autres ce que nous-mêmes on peut avoir vis-à-vis des personnes extérieures ? Je rajouterai à côté de cela que l'un des points que l'on peut faire, c'est aussi se couper de la télévision. Ou alors les personnes qui ont du mal avec cela, essayer de prendre de la distance. Lorsque l'on regarde certaines chaînes d'information, certains médias, ou alors certains documentaires, on a tendance à voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes étrangères qui sont mises en exergue par rapport à tout ce qui est violence, vol, agression, méfaits. Et malheureusement, tout cela passe par les médias et le sensationnalisme. Je vous conseillerais de faire un truc. Essayez pendant 4 jours, 5 jours, de ne pas allumer la télévision. Pour vous tenir au courant de ce qui se passe, simplement écoutez la radio, lisez les journaux. Le fait de ne pas avoir d'images violentes, directes et concrètes, cela nous permet d'avoir un petit peu plus de recul et de pouvoir faire marcher notre propre imagination. Grâce à cela, on peut avoir une idée concrète et se faire notre propre idée et nos propres convictions sans avoir une image qui est dirigée par un média. Le plus important, quant au fait de s'ouvrir aux autres, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à nos propres convictions, non pas par rapport à notre propre éducation, mais par rapport à ce que l'on ressent. Et essayer d'avoir une image envers autrui qui peut vraiment nous correspondre, non pas par rapport à une éducation que l'on a eue, non pas par rapport à des médias que l'on entend, mais par rapport à ce que l'on est et ce que l'on ressent. Le fait de ne pas se baser que sur les médias peut nous permettre de prendre du temps pour se cultiver et pour lire. Pour beaucoup de personnes, la lecture c'est quand même beaucoup pour les intellectuels, alors que cela peut simplement nous apprendre et nous faire grandir. Et surtout peut nous permettre de prendre du recul et comprendre la situation de certaines entités par rapport aux personnes noires, les homosexuels, les femmes, les personnes en surpoids, les juifs, ou encore les personnes multiethniques et tellement d'autres. Je vous conseillerais éventuellement de lire certains bouquins comme La servante écarlate de Margaret Atwood, La case de l'oncle Tom de Harriet Bestow, Les routes de l'Amérique de Lance Weller, un livre en anglais qui s'appelle Cotton and Race in the Making of America de Jean Dayton, ou encore Par-delà l'océan de Keira Andrews. Pour avoir plus de conseils éventuels, vous pouvez retrouver sur le dernier podcast Culture littéraire des exemples et des conseils de lecture. Un autre point qui peut éventuellement faire évoluer les mentalités, c'est aussi l'intégration au travail. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, en 2020, on passe les 2/3 de notre vie au boulot. De par cela, on est amené à rencontrer tout type de personnes, de toute origine et de tout physique. Par ce biais-là, le fait de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir les côtoyer peut nous permettre de pouvoir comprendre les différentes cultures et les différentes mentalités qu'il peut y avoir, à partir du moment, bien sûr, où l'on accepte de s'ouvrir aux autres. Lorsque l'on a accepté de faire ce pas-là, et que l'on accepte de prendre du temps sur le lieu de l'entreprise, et même des fois les affinités peuvent faire que l'on peut côtoyer des personnes à l'extérieur de l'entreprise, cela peut nous permettre de nous grandir et éventuellement de changer notre mentalité par rapport aux générations précédentes. On sait que la société aime à s'attabler sur des petits détails que l'on peut avoir. Mais à partir du moment où, par exemple, on arrive à assumer ce que l'on est, comment est-ce que l'on vit, ou alors quels sont les aspects physiques ou intellectuels que l'on peut avoir, et que l'on accepte de défendre nos droits tout en acceptant nos devoirs, il y a toujours un prix à payer à tout ce que l'on fait. Mais si déjà on pouvait commencer par assumer comment est-ce que l'on vit, ce que l'on est, et comment est-ce que l'on est, c'est déjà un grand pas. Déjà, à la base, assumer ce que l'on est, c'est déjà un prémisse par rapport au fait de le faire accepter aux autres. Si on ne peut pas s'accepter, on ne peut pas demander aux autres de le faire. Pour les personnes qui veulent éventuellement échanger ou parler avec des personnes qui peuvent les comprendre, vous pouvez très bien intégrer des associations, comme j'avais parlé un petit peu précédemment, qui peuvent nous permettre de rencontrer et de pouvoir connaître des personnes qui ont ou qui ont eu directement ou indirectement le même vécu que nous. Cela peut être sous la forme d'apéritifs, de repas, de rencontres, d'échanges, de débats, de meetings ou encore simplement d'activités, de loisirs pour pouvoir mettre en avant certaines problématiques, mais par rapport à certaines personnes et certaines communautés, même si objectivement j'ai toujours du mal avec ce terme-là de communauté, on va dire par rapport à certains entourages qui peuvent nous comprendre. Et le dernier point, quant au fait de pouvoir mettre en arrière ou alors prendre du recul par rapport à nos pensées, nos convictions qui peuvent être négatives par rapport à la société, cela peut être simplement la mixité. Je crois beaucoup en la future génération qui va venir. En cela, on peut voir de plus en plus de couples où l'une des deux personnes est française blanche, alors que l'autre est d'origine ethnique différente. Il peut y avoir des personnes qui ont des physiques totalement à l'opposé l'un de l'autre, ou alors des personnes qui ont des sexualités plus ou moins ouvertes et qui ne sont pas du tout conventionnelles. Et le fait d'interroger et de côtoyer ce type de personnes, ou alors ce type de couple, peut nous permettre de pouvoir évoluer nous-mêmes. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que tout ce que l'on aura abordé vous aura permis de prendre un petit peu de recul. Moi-même, le fait de vous en parler m'a permis de comprendre certaines choses ou certaines situations vécues. Et cela peut nous permettre de simplement pouvoir évoluer ou changer autrement, toujours en acceptant les personnes extérieures. Donc maintenant, je vais vous souhaiter une très bonne continuation à tout le monde et je vous dis à bientôt sur un nouveau thème.